Ok, c'est bon. Shalom, shalom. C'est que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse 23. Donc, je vais vous inviter à prendre votre Bible. Non, Genèse 23. C'est bon? OK. On lit la parole du Seigneur. Donc, Genèse chapitre 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Éphron était assis parmi les fils de Heth, et Éphron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 sicles d'argent, ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et les cavernes qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentours, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Amen. Bon, permettez que je boive un peu d'eau. Comme Christian l'a dit, c'est la deuxième fois que j'enseigne sur ce passage. La première fois, c'était à Sorel. Cette fois, c'est aujourd'hui. Et il y a une grosse différence. C'est deux messages différents. Ce n'est pas du tout le même message. Tout ça pour dire que notre Dieu est un Dieu vivant. OK. 1 Pierre 1, 3 à 5. La Bible déclare, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Qui est le titre de mon message, « Pour une espérance vivante. » « Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Amen. Ce passage, il y a beaucoup d'éléments à tirer de ce passage, mais pour ce matin, je vais me concentrer sur « Pour une espérance vivante ». Nous n'avons pas été appelés à une espérance morte, ni une espérance vaine. Nous avons été appelés à une espérance vivante. Cette espérance-là a été donnée par le saint et le fidèle. La Bible déclare qu'il est le saint et le fidèle. La Bible déclare aussi que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. La Bible aussi dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc celui qui nous a donné cette espérance, qui est une espérance vivante, il est éternel. Ainsi, face à cette espérance vivante, comment devons-nous répondre? Quelle attitude devons-nous avoir face à une telle espérance? On le voit ici dans... on va répondre à cette question à travers ce passage de Genèse 23. Dans ce passage, on va voir deux manifestations de la foi d'Abraham qui interpelle chaque homme et femme à placer sa confiance en Dieu. J'ai parlé tantôt d'espérance vivante. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a demandé de quitter son pays. Il lui a aussi donné une espérance vivante. Il lui a dit, je ferai de toi une nation puissante. Je multiplierai ta postérité, elle sera nombreuse. Quiconque te bénira sera béni, quiconque te maudira sera maudit. Je rendrai ton nom grand. Il a aussi dit, je te donne ce pays à toi et à ta postérité. Dieu a donné à Abraham une espérance vivante. Abraham, donc, face à cette espérance vivante donnée par Dieu, Abraham plutôt a manifesté la foi. Et ce matin, on va voir deux manifestations de cette foi-là d'Abraham devant l'espérance que Dieu a mise devant lui. La première manifestation de la foi d'Abraham se voit dans l'impact de sa vie parmi les Éthiens. Cela, on le voit dans le verset 6. Lorsque Abraham va voir les fils de Heth et il leur dit que je veux un sépulcre pour enterrer mon mort. Et voici ce que les Éthiens lui répondent. Ils disent, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. C'est une affirmation forte, c'est une affirmation puissante. Pour de Genèse 12, où Dieu s'est révélé à Abraham en lui disant quitte ton père, jusqu'à Genèse 23, il s'est écoulé environ 62 ans. Donc Abraham a vécu longtemps à Canaan. Donc il a vécu parmi eux, comme ce passage l'indique, au milieu de nous. Cela veut dire qu'ils ont eu à observer, ils ont eu à remarquer des choses qui les ont menés à faire une telle affirmation forte et puissante. Dans les passages précédents de Genèse, on a vu que Abraham était. Il a manifesté sa foi de différentes manières. Les fils de Éthiens ont été exposés à la manifestation de la foi d'Abraham. Et dans Genèse 12, quand Dieu s'est révélé à Abraham, la Bible déclare qu'Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Au niveau du verset 8 également, il bâtit un autel à l'Éternel et il invoqua l'Éternel. Dans le chapitre 13, quand il a quitté l'Égypte, il invoqua encore le nom de l'Éternel. On voit ici dans ces trois passages que Abraham avait l'habitude d'invoquer le nom de l'Éternel. Il y a 2 semaines, la semaine dernière avec Guillaume, on a vu que il a dit, moi et le jeune homme, parlant d'Isaac, nous allons adorer l'Éternel. Donc c'est sans doute quelque chose qu'il faisait couramment. Et les Éthiens qui étaient là, ils voyaient aussi qu'Abraham adorait l'Éternel. Mais il n'était pas seulement un adorateur de l'Éternel, c'était aussi un homme un homme qui manifestait la puissance de Dieu. Dieu agissait de façon puissante au travers de sa vie. On le voit quand ils sont allés en Égypte. La Bible déclare que l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison aux cieux de Sarah, parce que Pharaon avait pris Sarah, la femme d'Abraham. Ensuite, quand des rois se sont levés, quand cinq rois se sont levés contre quatre, au niveau de Genèse 14, la Bible dit que Lot avait été fait prisonnier. Et Abraham s'est levé pour aller défendre son neveu. Et cinq rois n'ont pas pu battre les quatre, mais par contre, Abraham, avec ses serviteurs, ont battu 4 rois. Imaginez ce qu'un royaume peut avoir en termes de soldats, mais par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, il a battu ces 4 rois. Dieu dit d'Abraham qu'il est un prophète. Lorsqu'il s'est révélé à Abimélec, il dit que c'est un prophète, il priera pour toi et tu vivras. Dieu aussi a, à cause de Sarah, parce que Abimélec avait pris Sarah, lorsqu'ils sont allés dans le royaume d'Abimélec, il a frappé toute la maison d'Abimélec à cause de cela. Donc ici, on voit comment Dieu agit avec puissance, agit avec, en fait, protège, garde, agit avec puissance pour que sa promesse s'accomplisse pour Abraham. Donc, en résumé pour cette partie, c'est que de la manifestation de la foi d'Abraham, on voit un adorateur de l'Éternel, quelqu'un qui est attaché à Dieu, mais aussi quelqu'un dont la vie témoigne de la puissance et de la fidélité de Dieu. Alors aujourd'hui, est-ce que nos vies témoignent que nous sommes des enfants de Dieu? Abraham, là où il était, il brillait. Les fils de Heth l'ont témoigné. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Il dit, on ne veut cacher une ville située sur une montagne. Il a dit aussi que vous êtes le sel de la terre. La question est la suivante. Est-ce que nous manifestons cette lumière? Est-ce que nous, dans le monde, est-ce que nous apportons cette saveur dans le monde? Comment le faire? La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et Jésus dit que je suis le sceptre et vous êtes le sarment. Quelle est votre intimité avec le sceptre? Parce qu'un sarment ne peut produire de fruits que s'il est attaché au sceptre. Quelle est donc ta relation avec le sceptre? Quelle est donc ton intimité avec le sceptre? Quels sont donc tes liens avec le sceptre? Si la relation est morte, si l'intimité n'existe pas, alors le sarment ne peut produire de fruits. Alors que si l'intimité est là, la relation est forte et développée, le sarment produira du fruit. Et cela emmènera les gens du monde, comme les Éthiens, à dire, tu es un prince de Dieu, tu es une princesse de Dieu. Quelle est donc la volonté de Dieu à ce niveau? 1 Thessaloniciens nous donne la réponse. Ça commence par ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu a dit, vous vous sanctifierez car je suis saint. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Marcher dans la sainteté et dans l'honnêteté. C'est un exercice parce qu'il sache faire cela. Sans se livrer à la convoitise passionnée, sans se livrer aux passions, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que, en fait, c'est que, donc ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, de tromperie, de mensonge. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a donné son Saint-Esprit. Voici ce que Dieu veut. Ce qui veut dire que si on fait cela, eh bien, on va manifester la lumière. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Bien sûr, en étant collé au sarment, au sceptre plutôt, qui est Jésus-Christ. La deuxième manifestation de la foi d'Abraham se voit dans l'achat du champ dans le pays de Canaan. Dieu a fait des promesses à Abraham. Lorsqu'on prend Genèse 12, 7, Dieu dit à Abraham, « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Dans Genèse 13, 14, Dieu dit, Abraham, lorsque Abraham s'est séparé de Lot, Dieu dit, « Regarde vers le nord et le sud, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Dieu aussi dit, dans 17, « Je te donnerai à ta descendance, après toi, le pays que tu habites comme étranger dans le pays de Canaan. » Donc Abraham, Dieu a fait ses promesses à Abraham. Il est conscient que Canaan, Dieu donnera Canaan à lui et à sa postérité. Alors, face à cette espérance-là, vivante, qu'est-ce que Abraham a fait? Ça, c'est le chapitre 23. En fait, je pense en rouge, c'est ce qui vient d'Abraham, et en bleu, ce qui vient des fils de Heth, leur parole. On l'a lu tout à l'heure. Et Abraham dit, je suis étranger. Donc Abraham dit que je veux un sépulcre. Je veux un sépulcre pour enterrer mon mort. Et là, les fils de Heth, les Héthiens, ils disent, enterre ton mort. On va te donner un sépulcre pour enterrer ton mort. En fait, il s'ensuit un échange entre les deux. Si vous remarquez bien, il commence par sépulcre. Et après, il termine par un champ. Au final, après les échanges entre Abraham et les fils de Heth, Abraham achète le champ de Macpéla. Le champ de Macpéla est propriété d'Abraham. Parce que les Héthiens ont proposé de donner à Abraham. Ce qui veut dire que s'il acceptait, en fait, il allait enterrer son mort, mais ça n'allait pas lui appartenir. parce qu'il n'était pas propriétaire. Mais Abraham a tenu à être propriétaire, à acheter cette parcelle de terre dans ce vaste pays de Canaan. Pourquoi a-t-il insisté? Pourquoi as-tu voulu être propriétaire de cette parcelle de terrain? Abraham avait en vue la promesse de Dieu. Cette promesse-là qui disait que ce pays, ce territoire, je la donne à toi et à ta postérité. Alors, Dieu, tu l'as dit. Moi, n'oublie pas que la foi est une démonstration. Est une ferme assurance des choses. Est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, sur base de la promesse de Dieu, Abraham pose un acte. En achetant cette terre que Dieu lui a promis. Cette parcelle de terre, c'est dans tout Canaan. Alors, on se dit, mais quand on prend Hébreux 11, où la Bible déclare que Abraham regardait une cité qui a de solides fondements, une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. En fait, Abraham avait en vue la promesse que Dieu lui a faite. Avait en vue une cité spirituelle. On voit ici Abraham qui porte ses regards sur les promesses de Dieu. Mais en dehors de porter ses regards sur les promesses de Dieu, car c'est sur base de la promesse de Dieu qu'il a posé cet acte de foi, qui est d'acheter cette parcelle, il montre aussi l'exemple. L'exemple à sa descendance. Parce que ça sera pour eux un signe de la promesse de Dieu. Abraham a entendu Dieu lui dire, voici, je te le donne. Mais eux, ils ne l'ont pas entendu, mais ils vont le voir. Alors, c'est cette action, ce acte posé par Abraham, pas non seulement pour lui, mais aussi pour sa descendance. Leur dit, regardez, j'ai posé ce acte en ayant les yeux sur la promesse de Dieu. Vous aussi, ayez le regard sur cette promesse-là. Alors aujourd'hui, quelle est la promesse de Dieu pour nous les croyants? Ce n'est pas comme Abraham à qui Dieu dit, je te donne ce territoire, ce pays. Mais la promesse que Dieu a pour nous, c'est l'avènement, le retour du Seigneur Jésus. Quand il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Voici la promesse pour nous les croyants. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette promesse? Est-ce que comme Abraham, on a les yeux fixés sur cette promesse? Qu'est-ce qu'on fait de cette promesse? Abraham a montré qu'il avait les yeux fixés sur cette promesse de Dieu par l'action qu'il a, par ce qu'il a fait, par la manifestation de sa foi. Et aujourd'hui, comment nous pouvons montrer que nous avons les yeux sur cette promesse? Le focus d'Abraham, c'était la promesse de Dieu. Nous, quel est notre focus? Sur quoi nos yeux sont-ils portés? Dieu, servir Dieu ou servir le monde? Sur quoi sont portés nos regards? Servir Dieu, ce n'est pas seulement s'investir dans son église. Servir Dieu, c'est aussi obéir à ses principes, obéir à ses instructions, obéir à ce qu'il dit. C'est mettre son don à la disposition de l'Église. Les enfants d'Israël étaient aussi confrontés à ce choix. Ils étaient aussi face à une promesse qui était de posséder Canaan. Josué 24. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui sont qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve et des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Il dit, vous êtes face à un choix, à une décision. Servir Dieu ou ne pas le servir. Et il donne ici son choix. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on est capable de dire que moi et ma maison, nous servons l'Éternel? Ou moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Ce matin, nous avons vu, face à l'espérance vivante, deux manifestations de la foi d'Abraham qui interpellent tous à faire confiance à Dieu. On l'a vu, la première manifestation, c'était que la foi d'Abraham se voyait dans l'impact de sa vie, là où il vivait, là où il était. Réfléchissons un peu à cette question. Quel est l'impact de ma vie sur mes proches, sur mes voisins, sur les personnes qui m'entourent? Est-ce que si je me tiens devant eux, ils pourront dire que voici un prince de Dieu ou une princesse de Dieu? La deuxième manifestation, c'est la manifestation de la foi d'Abraham, c'est à travers l'action qu'il a posée en achetant le champ dans le pays de Macpéla. Action motivé par le fait que ses yeux étaient sur la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, nous, la promesse que Dieu nous fait, c'est son retour. Il dit, veillez et priez. Il dit que je viendrai comme un voleur. Vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Est-ce que le Seigneur vient maintenant? Est-ce qu'on est prêt? Veillez et priez. Soyez sobres. C'est un rappel à avoir les yeux et à garder les yeux sur son avènement. Aujourd'hui, je me souviens, il y a, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un à qui on prêchait l'évangile. Et là, il dit que, écoutez, ça fait 2000 ans, votre Jésus dit qu'il va venir et n'y vient toujours pas. Alors, à quoi bon? C'est ce qu'il a dit. Le maître tarde. Il sait pourquoi il tarde. Mais c'est à nous de ne pas fléchir, de ne pas être amené à oublier cela, de s'exercer à l'avoir toujours en vue, comme Abraham, qui avait en vue une cité dont Dieu est le fondateur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est aussi une invitation à toutes les personnes qui... On parle ici d'espérance vivante, mais d'espérance vivante pour les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour les gens qui le rejettent, ils n'ont pas d'espérance vivante. Ils n'ont même pas d'espérance. C'est un appel à fléchir genoux devant Christ et à le suivre. Il revient bientôt. A aussi à persévérer et à garder cela en vue. Amen.